Chapitre 4. Un cartel et un coup de fusil. Les deux hommes s'étaient aperçus. Du même mouvement, ils s'arrêtèrent en face l'un de l'autre à moins de 5 mètres de distance. « Eh bien, monsieur, » fit Damon Reeves d'un ton sec. « Ce n'est pas bien du tout, Damon Reeves. Alors, ajustons-le, sur le champ, ici même. » En parlant, il laissait tomber sa main sur son revolver et dévisageait son rival, les traits contractés par la haine. Un temps viendra pour cela, mais le différend qui est entre nous ne peut pas se régler cette fois-ci. Je ne pense pas que vous soyez assez lâche pour faire feu sur un homme désarmé, quoique je croie que vous ne valez pas cher. Alors, si vous ne voulez pas vous battre, continuez votre chemin et ne me tentez pas. Causer entre nous ne peut aboutir qu'à une chose. Néanmoins, j'ai un mot ou deux à vous dire. Dites, mais soyez bref. Vous avez déjà dit derrière mon dos des choses dures à supporter, même si elles étaient vraies, des choses qu'un homme ne devrait jamais dire d'un autre sans y réfléchir à deux fois. Je n'ai dit que la vérité. J'ai cru que c'était mon devoir d'ouvrir à tout prix les yeux du juge Dennison sur votre caractère. Malheureusement, c'est un aveugle obstiné. Il ne veut pas être convaincu. C'est pourquoi j'en appelle à vous. Pour me convaincre que je suis un gueux, un gredin, un voleur de chevaux, merci bien. Est-ce que vous croyez que votre vie soit enchantée? Que vous ne me parlez pas le revolver à la main? Non, monsieur, je ne suis pas ce que vous avez essayé de me représenter, et je gagnerai, et j'emporterai Madge Dennison, car c'est elle, le véritable brandon de discorde entre nous. Par le ciel, c'est ce que vous ne ferez pas, vous n'oserez. Qu'est-ce que c'est? Je n'oserai? Faites un peu attention, nous sommes seuls ici, et je tiens votre vie entre mes mains. Tâchez de ne pas trop me donner l'envie de la prendre. Ce que peut être le secret de votre étrange influence sur Dennison, je ne le sais pas. Peut-être vous craint-il. Moi pas. Tout désarmé que je suis, je n'éviterai pas une balle en me retenant de vous dire la vérité. Sachez que vos intentions pour Madge Dennison lui sont odieuses, qu'elles lui répugnent, et qu'à partir d'aujourd'hui, il faut qu'elles cessent. De quel droit m'adressez-vous de telles paroles, monsieur? De mon droit d'honnête homme. Prétendez-vous me dire que cette jeune fille vous a constitué son défenseur? Si vous êtes son protecteur à titre d'amoureux agréé, dites-le-moi. Je saurai alors comment en agir avec vous. Je n'ai affaire qu'à la demoiselle et à son père. Je ne supporterai pas qu'on intervienne. Je parle comme tout homme parlerait, dans l'intérêt d'une pure et noble fille. Arrêtez, assez de tout ceci. Damon Reeves tira son revolver de sa ceinture et en ajustant soigneusement la tête de son rival. Tirez, s'écria Harper Clyde. Si les bruits sont vrais, c'est votre métier. Non. « Je ne tirerai pas avant que vous m'ayez irrité par trop. Vous avez les nerfs trop solides. Vous ne trouverez jamais mon courage en faute, quoi que vous puissiez avoir à dire de mon jugement. Si vous me reprenez hors de mes gardes, tirez, je vous le demande. Je le mériterai, et je suis toujours prêt à laver une erreur de ma tête dans le sang de mon cœur. Pour mes nerfs, ils ne faibliront jamais devant les vôtres. » « Harper Clyde, vous avez beaucoup d'or et un cœur brave. J'ai peu de la première chose, mais de l'autre, j'en suis plein jusqu'aux lèvres. Je vous porte un défi. Venez me trouver ce soir au Hard Times et que la chance décide entre nous. Je ne suis pas un joueur. Certes, mais vous jouez aux cartes autant que moi. Mais non. Poltron, eh bien vous le ferez, ou vous ne bougerez pas d'ici vivant. » Une lueur inquiétante commençait à s'allumer dans les yeux des deux hommes. Harper Clyde avait toujours devant lui le pistolet au tir infaillible et mortel. « Je me moque de votre menace, car je ne suis pas poltron. Pouvez-le donc !» Il y avait une intensité de sarcasme indicible dans le ton de Damon Reeves, un sourire de dédain affolant sur ses lèvres minces et pâles. « J'irai, ce soir, à 9 heures, au Hard Times. Ce sera une rencontre que nous n'oublierons pas, ni l'un ni l'autre. » Comme obéissant à une impulsion soudaine, Harper Clyde tourna brusquement son cheval, lui mit les éperons au flanc et s'éloigna ventre à terre sans jeter un coup d'œil derrière lui. Immobile, Damon Reeves le regardait s'éloigner, une étincelle de cruauté dans l'œil, un pli sauvage aux lèvres. À la fin, lorsque Clyde fut hors de vue, il murmura quelque chose à demi-voix qui, néanmoins, arriva distinctement aux oreilles du garçon dans l'arbre. « Oui, ce soir nous nous rencontrerons au Hard Times. » Et l'un de nous y restera, à moins que le diable n'oublie les siens. Et celui-là ne sera pas Damon Reeves. Cours, Harper Clyde, c'est ton dernier galop sur la terre du Texas. » Quelques minutes après, il se remit lui-même en chemin, laissant Ralph Duncan descendre de l'arbre à loisir. Un homme seul ne peut pourtant pas suivre 4 pistes à la fois. murmura Ralph en touchant terre, l'air perplexe. Je devrais certainement suivre cette espèce de Mexicain, car il a dans l'œil je ne sais quoi de diabolique qui ne promet rien de bon. Mais je dois lui donner deux mots d'avis à Harper Clyde et m'assurer où va Damon Reeves. Oui, mais tout cela attendra, parce qu'il faut que je voie Madge elle-même et que je lui fasse connaître où en sont les choses. J'aimerais mieux me trouver à pied en face d'un stampede de toutes les longues cornes de Tom Dennison que de parler à Madge de Harper Clyde. Mais je compte qu'il faut que ça se fasse, et donc me voilà. Eh bien ? La cause de cette subite exclamation, un œil sur mille ne l'aurait pas remarqué. Le canon d'une carabine s'était soudainement avancé hors du fourré où il avait vu le Mexicain disparaître. Il n'y avait de visible derrière ni main ni tête, mais Ralph savait que l'une et l'autre étaient quelque part cachées par cet écran de feuillage et que le canon du fusil le tenait en joue d'un air parfaitement délibéré. Sans prendre le temps de réfléchir davantage, Ralph épaula son sharp, jeta sur le buisson un seul coup d'œil, vif et pénétrant, et pressa sur la détente. Comme un écho arriva des broussailles, le bruit d'une autre détonation, et une balle chanta bien au-dessus de sa tête, tandis qu'un unique cri de surprise et de douleur frappait ses oreilles. « Je compte que la balle lui a écorché les phalanges, » dit l'insouciant garçon en riant. « J'ai visé droit sous le canon, où je savais qu'il y avait une main sur le bois du fusil. Mais je suppose que j'aurais mieux fait de tirer pour tuer. En tout cas, bonjour, je n'ai pas de temps à perdre, sautement ici. » Tout en parlant, Ralph s'esquivait, baissé presque au ras du sol, un œil tourné du côté où étaient partis le coup de feu et le cri. Il se dirigea vers l'habitation du juge Dennison.